Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, l'excellent Benoît Magimel. Débarqué au Japon pour la promotion de son nouveau roman, Alex Fayard rencontre une geisha, Tamao, menacée de mort par son ancien amant. En acceptant de l'aider, il se retrouve face à un mystérieux auteur de livres policiers dont il est le spécialiste français. Dès lors, il plonge dans un monde de mystère et de perversité sur les traces d'un homme assoiffé de vengeance. Ultra-violence, sexe, situation sordide. Voilà où réside la force des romans de Shuldeo. C'est que la moralité ne fait absolument pas partie de son vocabulaire. Oui, comprend la relation entre le plaisir et la douleur. Sa lecture ne suffit pas. Il faut en faire l'expérience. Il est là. J'ai trouvé son manuscrit dans son bureau. Il sait que je vous ai demandé de m'aider. Inju, la bête de l'ombre. Un film de Barbet Schroeder avec Benoît Magimel et Lika Minamoto. Un DVD Warner Home Video.